Tous les mardis, l'Abreuvoir présente les soirées Rock Avenue. Venez danser avec Bill Haley, Gene Vincent, Cal Perkins, Jerry Lee Lewis et le King lui-même, Elvis Presley. Pour vous aider à suivre leur pas, des cours de Rockabilly Jive vous sont offerts gratuitement par les danseurs professionnels de l'école Rock Avenue. Les mardis Rock Avenue, c'est à l'Abreuvoir que ça se passe, 403 Ontario Ouest. Evenco, Greenland Productions et CISM présentent Two Door Cinema Club avec Bombay Bicycle Club et The Lonely Forest le 16 septembre au Club Soda. Billets en vente maintenant à la billetterie du Club Soda par téléphone au 514-286-1010 ou achetez-les en ligne via evenco.ca. Un furieux mélange d'électropop et d'indie rock. Two Door Cinema Club, un spectacle à ne pas manquer le 16 septembre au Club Soda. Écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, ici Jean-François. Vous écoutez l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. Le Terminus s'intéresse au rock indépendant de la scène locale et d'un peu partout dans le monde. Pour vous donner un petit aperçu ce soir, on va entendre du Weekend, Under Electric Light, les Fidel Castrol et également du No Age. L'émission de ce soir est en direct, alors n'hésitez pas à m'appeler pendant les segments musicaux au 514-343-CISM 343-2476. En ouverture d'émission, vous entendiez Fiddler avec Wait for the Man qui se retrouve sur un EP de 4 chansons sorties en avril dernier. Fiddler sont de Los Angeles et offrent des chansons punk rock, comme vous avez pu le constater, et qui dépassent rarement 2 minutes. Parmi leurs influences, ils citent des marques de bière, ce qui est quand même assez intéressant. Le prochain segment musical va être plutôt léger, voire estival. Ça va commencer avec Medications, un trio de la capitale américaine Washington. Sur leur deuxième album sorti l'année passée, le groupe s'est un peu éloigné du post-rock pour proposer des chansons un peu plus accessibles, si on peut dire, et même pop parfois. Ça s'entend sur celle qu'on va d'ailleurs entendre, Long Day de Medications sur CISM 89.3. No one cares about about anything at all. Sur les ondes de CISM 89.3, vous écoutez l'émission Le Terminus. On vient tout juste d'entendre Apple Blue avec Tires On de leur album Less is More, lancé le printemps dernier. Apple Blue sont de Montréal et rappellent, de mon avis et probablement de d'autres personnes, The Shins et Weezer, entre autres, alors qu'eux se disent très influencés par plutôt les Beach Boys. Juste avant, c'était Nada Surf avec une chanson en français, Bye Bye Beauté, qui est une reprise de la chanteuse française Coralie Clément. En fait, tout l'album de Nada Surf, d'où est extraite cette chanson, If I Had a Hi-Fi, contient des reprises à la sauce Nada Surf, comme par exemple des reprises de Spoon, Depeche Mode, en passant par des artistes un peu moins connus. On poursuit maintenant avec un groupe qui est à la toute fin de sa tournée de spectacle pour promouvoir l'album Requiem pour les sourds. Vous pourrez voir Vulgaire Machin le 12 août prochain à l'Ascension de Notre Seigneur au Lac Saint-Jean pour seulement 5 $ quand même. Ils seront aussi le 1er septembre à Chicoutimi si vous passez dans le coin. On peut supposer que la suite sera consacrée à leur prochain album. Voici Vulgaire Machin avec Prêt à tomber sur CISM 89.3. Faiblesse, confortée par le silence et l'ivresse. Sätzen, die wir sagen, schweben Stimmen ohne Klang. All die Dinge, die wir nicht zu sagen wagen, was zu sagen nicht gelang. Die Zusammenhänge, die wir zu beschreiben scheitern, weil die Worte fehlen. Sie verschwimmen, sobald wir nach ihnen greifen, um von ihnen zu erzählen. In dem De Berlin en Allemagne, c'était Sport avec Durch die Lücken, qui veut dire à peu près malgré les lacunes, et qui se retrouve sur l'album Unter den Wolken, qui signifie parmi les nuages. Et c'était suivi de Weekend avec Hand Times, qui se retrouve sur leur premier album sorti l'année passée, qui s'appelle également, drôle de hasard, Sports, comme le premier groupe. On retourne en musique avec le projet d'un gars qui s'appelle Danny Provencher, Under Electric Light, et quand même signé sous un label japonais, Fastcut Records, qui distribue également en Asie la musique de Belle and Sebastian, c'est pas rien. Sinon, Under Electric Light a fait paraître un nouvel album plus tôt cette année qui manipule les ambiances à mi-chemin entre le shoegaze et le post-rock tout en étant très accessible, un peu à l'image, on pourrait dire, du groupe Film School californien, que j'aime également pas mal. L'album est d'ailleurs en écoute sur Bandcamp. Voici la chanson Take Me Away d'Electric Thunder Electric Light, pardon, sur la marge CISM 89.3. À 20h, vous écoutez l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant et un peu tout ce qui gravite autour. On vient tout juste d'entendre un succès souvenir, si on peut dire, avec les Secrétaires Volantes et Thermoplastique qui se retrouvent sur l'album du même nom qui remonte déjà à 1996 et qui est le dernier album des Secrétaires. C'était précédé de We Are Wolves avec Near Fear. Deux des membres de We Are Wolves, d'ailleurs, Alexander Ortiz et Vincent Lévesque, ont un peu mis le groupe en veilleuse dernièrement avec leur projet Class qui donne davantage dans l'électro. Mais il semble quand même que We Are Wolves ne soit pas mort pour autant. Enfin, on l'espère. On va maintenant plutôt retourner en musique avec l'album Everything in Between. Voici les Californiens de No Age avec Glitter. Et ça, c'est sur les ondes de CISM 89.3. Yeah. le bonheur irritant de la fée trop gentille. La chorus des jingles de radio et Gino Kiliko. La overacting baby bitch. Thank you. cassette de clé. Les Fidèles Castrols avec Belle Botte qui se retrouvent sur leur premier album du Lubrifiant pour les masses sorti en 2009. Avant Fidèles Castrols, Géraldine parle également d'une histoire que je qualifierais de bizarre à défaut de trouver mieux. Géraldine nous parlait de Laval avec sa chanson « Et les brochettes du buffet ». Je vous rappelle que vous pouvez trouver la liste des chansons diffusées ce soir en vous rendant sur le site de la radio cism893.ca ou encore sur le blog de l'émission leterminus.ca. Restez à l'écoute parce qu'après les pubs, Étienne Champagne va prendre place pour 2 heures de son émission Rythmologie. Quant à nous, on va se quitter avec Ty Segall, dont l'album Goodbye Bread fait son entrée cette semaine en 24e position du palmarès album de CISM. En fait, l'album est sorti depuis le 20 juin dernier sur l'étiquette de Chicago Drag City. Vous entendrez Where Your Head Goes de Ty Segall. Et si on a le temps, on va également entendre Bateau Noir, une formation instrumentale de Montréal. Ici Jean-François, comme à chaque semaine, c'était un grand plaisir de vous préparer et de vous présenter cette émission. J'espère que vous avez apprécié en tout cas. Portez-vous bien et à bientôt. Yeah.